Découvrez Les Voix de la Vallée, un podcast de Fabrice Hibert, produit dans le cadre de son exposition école La Vallée, présentée à la Fondation Cartier pour l'art contemporain jusqu'au 30 avril 2023. Retrouvez Emmanuel Coccia, Mario Dariussec, Guy Savoie, Paul Bepreciado et d'autres spécialistes pour des cours du soir menés en duo autour des thèmes de l'exposition. Un nouvel épisode à découvrir chaque semaine dès maintenant sur le site de la Fondation Cartier et sur les principales plateformes d'écoute. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Blocus continental, l'arme économique de Napoléon. Le 20 novembre 1899, Gaston Coupin soutient sa thèse pour le doctorat à l'Université de Paris, faculté de droit, intitulé « Essai sur le blocus maritime en temps de guerre ». En 20 pages, il traite de l'Antiquité au temps moderne. Puis vient une étude détaillée du blocus continental imaginé par l'empereur Napoléon Ier. Le blocus fit un échec, Napoléon a été vaincu, on le sait bien. Il est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de bouffer les fils de son caleçon. Mais Gaston Coupin précise. Ainsi donc, en dehors de ses nombreux inconvénients, le blocus continental eut ce bon effet de favoriser l'essor de l'industrie française en élargissant son champ d'activité. Et c'est là un résultat très curieux et qu'il était important de mettre en relief. Pierre Brandat, bonjour. Bonjour. Au moment d'évoquer cette rivalité entre Napoléon et l'Angleterre, cette rivalité qui conduit au blocus continental, pour placer ça sur un temps beaucoup plus long, l'Angleterre est l'ennemi de la France depuis des décennies, voire des siècles. Oui, oui, et nous sommes à ce moment-là dans ce qu'on a pu appeler la seconde guerre de Cent Ans, qui a été rythmée par plusieurs épisodes, la guerre de Sept Ans, où Louis XV, à l'issue de laquelle Louis XV a perdu le Canada. Ensuite, il y a eu la guerre d'indépendance américaine, où Louis XVI a aidé les insurgents et à la naissance des États-Unis. À ce moment-là, la marine française est supérieure à la marine britannique, fait rare pour être souligné. Et arrive la Révolution française, et, effectivement. Au départ, il n'y a pas de rivalité, mais quand les révolutionnaires s'emparent de la Hollande, puis décapitent le roi, les problèmes commencent et l'Angleterre va déclarer la guerre à la France. Nous sommes en 1793 et là nous sommes partis pour une longue période, presque 20 ans de conflit au cours duquel bien sûr Napoléon va jouer une place prédominante. Dans cette rivalité très longue entre la France et l'Angleterre, on le sent bien, hein, l'épisode napoléonien n'est qu'un moment de cette longue rivalité. Ce que Napoléon a compris, c'est que pour vaincre l'Angleterre, il fallait la toucher à l'économie, au portefeuille, là où ça fait mal. Oui, parce que il s'est rendu compte que l'Angleterre, c'est juste 9 millions d'habitants, si je puis dire, alors que son empire en compte 40 millions. Ce pays est capable de dépenser plus que lui pour la guerre, donc il comprend que bien c'est son économie qui soutient cet effort de guerre, une économie qui est soutenue par les colonies britanniques, bien entendu, hein, puisque c'est la Compagnie des Indes, c'est une immense déjà présence dans toutes les mers du globe, sa maîtrise maritime et déjà les premiers effets de la révolution industrielle, puisque l'Angleterre est passée à la mécanisation, notamment pour les filets de coton, et donc elle commence à posséder des avantages économiques substantiels, et on peut dire les mots comme ça, le monde entier a confiance en l'Angleterre par son potentiel colonial ainsi que par son développement économique, donc ça fait d'elle un adversaire redoutable qu'il faut toucher au portefeuille, puisque c'est effectivement là que s'y situe le nerf de la guerre, comme toujours. Et l'Angleterre est capable, par sa puissance, d'emprunter encore. Mais si effectivement on assèche sa puissance économique, on peut penser que par effet de domino, eh bien, elle ne pourra plus soutenir d'efforts de guerre et elle s'écroulera. Nous avons commencé cette émission par la marche de la garde consulaire à Marengo. Oui, Napoléon, avant d'être empereur, a été Napoléon Bonaparte, consul, premier consul. On peut d'ailleurs peut-être rappeler, Pierre Brandat, que au moment où il est consul, c'est l'idée de paix qui prédomine d'ailleurs avec l'Angleterre. Ah oui, c'est l'idée de paix. Alors, il faut rappeler aussi que lui-même a certaine rivalité avec l'Angleterre, puisqu'il a commencé sa carrière militaire à Toulon en bombardant la flotte anglaise. Donc, ses premiers ennemis. Donc, il y a cette double rivalité franco-anglaise, mais aussi Napoléon et l'Angleterre, c'est une longue histoire. Et ensuite, il y aura la campagne d'Égypte. La flotte anglaise coulera celle de Bonaparte en rade d'Aboukir. Et donc, dans cette volonté de paix, il n'exclut pas son principal, et je dirais presque son meilleur ennemi, l'Angleterre. Et il parvient en 1802 à la paix d'Amiens, à cette paix qu'il souhaite, lui, véritablement, sincèrement, puisque la France a tout intérêt à la paix, parce qu'elle pourra alors se développer, reprendre le commerce, maritime qu'elle a perdu, puisque la marine britannique l'a effacé des mers, ou quasiment. Donc, la France a tout à gagner, mais l'Angleterre a peut-être tout à perdre, et en réalité, elle ne conçoit cette paix que comme un répit. Blocus continental, l'arme économique de Napoléon, et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Sylvia Marzaghali, bonjour. Bonjour. Quand nous pensons à ce moment de Napoléon, cet épisode impérial, bien sûr, nous associons cela à la guerre, ce qui n'est pas faux, hein, ça c'est certain. Malgré tout, là, Pierre Brandat vient de le rappeler, il y a un moment de paix avant que l'Empire soit proclamé. Comment lisez-vous cette relation complexe entre la France et l'Angleterre sur le temps long? C'est vrai que c'est un moment particulier, en fait, ce moment du consulat avec cette paix d'Amiens. Oui, merci. C'est en effet une question controversée du point de vue historiographique. Il y a un très beau livre de Luigi Mascilli Migliorini qui définit les régimes napoléoniens comme un régime de guerre. Et en fait, on peut se poser la question des bases de la légitimité de ce régime et savoir si, in fine, la paix d'Amiens, qui certes a été voulue, mais finalement ne peut pas durer parce que la légitimité même du régime napoléonien repose sur les victoires au cours des guerres qui ont caractérisé l'ascension de Napoléon. C'est un régime qui est né d'un coup d'État et qui donc trouve en quelque sorte dans l'expansion impériale. C'est vraiment le passage à l'Empire. Bien sûr, c'est après la paix d'Amiens, mais c'est un passage significatif. Est-ce que ce n'est pas in fine dans la nature des empires d'avoir des ambitions hégémoniques qui en fait entraîne une dynamique des guerres perpétuelles. Donc là-dessus, on pourrait discuter, c'est pas l'objet du blocus continental. Je voudrais juste réagir aussi à un autre des propos de Pierre Brandat. La contextualisation qu'il a fait dans les cadres d'une guerre, une seconde guerre des Cent Ans, est tout à fait recevable et actée par l'historiographie. Mais après, il y a un contexte spécifique, celui du blocus continental, de sa mise en place, qui est lié aussi à une faiblesse structurelle de la France impériale. Le blocus continental intervient une année après la défaite de Trafalgar. Donc, c'est certes une volonté d'affaiblir les crédits britanniques, d'affaiblir l'économie britannique, mais c'est aussi une solution qui, je veux dire, il n'y a pas d'alternative. Une opération amphibie d'invasion de l'Angleterre s'est écartée. La maîtrise des mers britanniques est acquise et donc il ne reste in fine que l'arme économique. Sylvia Marzaghali, dans cette nature intrinsèque des régimes impériaux de conquête, on peut resituer cela dans un espace beaucoup plus vaste entre la France et l'Angleterre, en mettant même de côté Napoléon. Ça explique pourquoi cette paix d'Amiens ne peut pas durer, parce que cette longue rivalité a des causes tellement profondes, des origines tellement fortes, que cette paix d'Amiens, c'est juste quelque chose qui dure à peine, ça ne peut pas tenir. Oui, l'enjeu de la conquête des marchés mondiaux, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit in fine, c'est la capacité de projeter l'économie du pays à l'extérieur, donc essentiellement aux Amériques à l'époque, mais Pierre Brandat a rappelé très justement l'importance de la Compagnie des Indes orientales. Les Britanniques ont désormais gagné les marchés asiatiques dès les milieux de la guerre des Sept Ans, en fait, donc dès les milieux du XVIIIe siècle. Et là, il s'agit de positions de force sur des marchés, les marché principal étant encore celui, on l'oublie souvent, mais de l'Empire espagnol en fait. L'accès à l'Empire espagnol aux Amériques est en quelque sorte l'enjeu économique principal. Et donc, en cela, il y a une rivalité qui se joue bien sûr par les possessions coloniales britanniques et françaises. Et là, on voit bien les rétrécissements progressifs à partir de 1713 et puis surtout en 1763 de l'Empire continental français. français en Amérique du Nord, mais il y a aussi la capacité de pénétrer les marchés ibériques outre-Atlantique qui est fondamentale. Donc effectivement, oui, c'est un conflit qui s'inscrit dans des temporalités longues. Et avant de mettre en place le blocus continental, Napoléon Bonaparte a imaginé envahir l'Angleterre depuis Boulogne. Le 28 Thermidor en 12. Napoléon Ier, empereur des Français, salué au lever du soleil par une salve de 21 coups de canon, quitte son quartier général du pont de briques pour se rendre au camp de Boulogne. L'empereur voulait, au cours d'une grandiose manifestation, remettre à ses compagnons d'armes les insignes de l'honneur. À Boulogne, il peut réunir plus de 200 000 hommes. Devant eux, au cours d'une inoubliable fête militaire, il épingle les premiers aigles, comme on disait alors. La Légion d'honneur fut créée pour récompenser non seulement les services militaires, mais aussi les vertus civiles. Une première remise des insignes aux légionnaires fut faite à Paris le 15 juillet 1804. Cérémonie sans grand éclat car Napoléon songeait à une manifestation plus importante et plus grandiose. Elle eut lieu un mois après, c'était au camp de Boulogne. Nous étions à Boulogne pour les 150 ans de cette remise de Légion d'honneur en 1954, donc dans les actualités françaises. Pierre Branda, c'était quoi ce camp de Boulogne ? Alors le camp de Boulogne, effectivement, était destiné à envahir l'Angleterre. Napoléon fait construire une flottille pour tenter de passer la Manche. Alors, ce qui est aussi piquant dans cette histoire, puisqu'il est question d'argent, il faut savoir que Napoléon, finalement, a financé cette flottille grâce à de l'argent anglais. Parce qu'il a, quand la guerre reprend en 1803, nous sommes contraints de vendre la Louisiane, que nous avions à peine récupérée à ce moment-là, cédée par les Espagnols. Napoléon vend la Louisiane aux Américains, ce qui est un événement considérable pour l'histoire américaine, puisque ça permet l'expansion à l'ouest des anciennes colonies américaines, des jeunes États-Unis. Et cette vente de la Louisiane, eh bien, les Américains n'ont pas l'argent pour acheter et s'adressent à une banque, la Barings, pour financer cet achat. La banque anglaise va prêter 80 millions, hein, un peu plus, même 80 millions de francs, lesquels 80 millions, en réalité, serviront comme financement extraordinaire à financer donc cette flottille de débarquement. Quand on dit l'argent n'a pas d'odeur, voilà, on a une bonne illustration de cela. Eh bien, cette flottille est construite, mais faut-il encore passer la Manche. Napoléon conçoit une armée effectivement de 100 à 150 000 hommes, mais un tel débarquement qui inquiète évidemment les Anglais n'est possible que si on possède la maîtrise de la Manche pendant quelques heures, et ça on n'y arrivera jamais. En réalité, le camp de Boulogne n'ira pas jusqu'au bout. La flottille, les bateaux ont été construits, hein, à fond plat, etc. On n'est pas sûr d'ailleurs qu'ils n'auraient pas coulé en plein milieu de la Manche, hein, mais ils ont fini par pourrir là près de Boulogne. Mais cette invasion n'aura jamais lieu puisque la guerre continentale, elle, reprend avec l'Autriche qui attaque la Bavière, et Napoléon retourne ses armées contre, à ce moment-là, vers l'Est et contre l'Autriche qui est en train, elle aussi, de reprendre la guerre. C'est une guerre économique, hein, on l'entend bien, Sylvia Marzagali. Cette guerre que nous évoquons, c'est une guerre, et on le dit, on le répète sans cesse, qui s'inscrit sur un temps beaucoup plus long. C'était intéressant, hein, toujours, de voir ce moment très particulier. Si on prend par exemple le camp de Boulogne, cette idée, ce désir de Napoléon d'envahir l'Angleterre, et puis cette rivalité beaucoup plus large. Comment se construit-elle d'ailleurs, cette rivalité entre ces deux empires, hein, s'il faut les nommer ainsi? La rivalité, ça a été dit tout à l'heure, ça s'inscrit grosso modo dès la fin du XVIIe siècle, lorsque à la fois la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre à l'époque, et la France commencent à se projeter outre-Atlantique d'une manière significative du point de vue économique. Dans cette rivalité économique, effectivement, tout à l'heure, Pierre Mandard appelait à juste titre la différence aussi démographique. Donc on peut discuter longtemps sur la, disons, finalement les forces et les faiblesses de l'économie française et de l'économie anglaise. Quand on regarde la production globale à la veille de la Révolution, bon, c'est à peu près assez comparable, mais effectivement, la France a trois fois plus d'habitants que l'Angleterre. Donc, c'est une rivalité qui est économique, mais là, c'est devenu une rivalité militaire et navale à partir de 1793. C'est-à-dire que Bonaparte hérite d'une situation qui est déjà là, d'une conflictualité qui a une dimension économique. C'est-à-dire, il faut rappeler que pendant toutes les guerres du XVIIIe siècle, et notamment à partir de la guerre des Sept Ans, l'arme économique est régulièrement utilisée. Je dirais des deux manières. D'une part, par une interdiction faite aux belligérants de commercer avec l'ennemi. Donc, il n'y a plus de navigation directe entre deux pays ennemis, donc en l'espèce entre France et Grande-Bretagne, d'une part. Et d'autre part, par la pratique de la guerre des courses, qui est une pratique ordinaire des conflits, ça sera aboli au milieu du XIXe siècle, et qui consiste à autoriser des navires marchands à s'emparer des biens et des navires capturés en pleine mer appartenant à des individus sujets de la puissance ennemie. Donc il y a une guerre économique qui est déjà en place, et il convient de rappeler que tout ce que le décret continental, enfin le décret du blocus continental introduit, en fait c'est déjà en place pour la France depuis au moins la reprise de la guerre en 1803, et en partie ça n'est fait que reprendre ce qui était en place dans la décennie 90. La nouveauté du blocus, c'est de l'étendre, la volonté de l'étendre au continent entier. Donc l'arme économique est déjà là, et ce n'est pas une nouveauté de cette guerre ni de la décennie révolutionnaire. C'est quelque chose qui est en place depuis le XVIIIe siècle. Oui, très intéressant ce que vous nous dites là, Sylvia Marzagali, parce que c'est cette idée qui nous intéresse toujours de penser que ce ne sont pas des gens à un moment donné qui se réveillent soudain en disant « Tiens, on va instaurer un blocus continental ». La guerre économique était déjà là, elle était déjà très prégnante avec cette question de la marine comme une évidence. Pierre Banda, vous nous dites « Napoléon est obligé de quitter le camp de Boulogne quand il est enquiquiné du côté de l'Autriche ». Oui, la France doit gérer ces deux types de frontières, maritimes d'un côté et terrestres de l'autre, ce que ne connaissent pas les Anglais. Non, bien sûr, d'autant que les Anglais financent ce conflit. Hein, ils ont incité, ce n'est pas la principale cause de déclenchement des hostilités. Hein, pour l'Autriche, c'est la présence française en Italie qui est prédominante, surtout quand Napoléon se fait sacré roi d'Italie. C'est un casus belli pour l'Autriche, donc c'est pour ça qu'elle entre en guerre. Mais elle entre en guerre appuyée par ce qu'on a appelé l'or anglais, même si ça ne finance pas évidemment tout le conflit, mais c'est un élément qui pousse à la guerre. Les Anglais feront tout jusqu'en 1815 pour inciter tous les pays à entrer dans une alliance contre la France de Napoléon, mais contre une France qui, depuis 1792, était sortie de ses frontières, surtout, hein, j'ai dit tout à l'heure, et notamment vers la Hollande. Hein, le point d'entrée des marchandises britanniques était la Hollande, en grande partie. Donc cette mainmise des Français sur le point d'entrée des marchandises britanniques, enfin sur l'un des principaux points d'entrée des marchandises britanniques en Europe, les contrarie, bien entendu, c'est ce qu'ils appelleront le pistolet braqué sur la tempe de l'Angleterre. Eh bien, cette présence, tant qu'il y aura cette présence, l'Angleterre ne baissera pas les armes. D'autant que Napoléon, si je puis dire, de l'autre côté, est un petit peu coincé lui aussi, puisque dans son serment, lorsqu'il est devenu empereur, il a juré de maintenir l'intégrité du territoire. Le territoire, à ce moment-là, en 1804, c'est le territoire hérité de la Révolution française, c'est-à-dire l'Italie du Nord, la rive gauche du Rhin, et puis donc la Belgique et la Hollande. Pour simplifier. Donc, lui, finalement, s'il veut maintenir son serment d'empereur, il n'y a pas que cette raison. Enfin, il ne peut pas reculer, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et de l'autre côté, les Anglais ne veulent pas reculer. Ils ont compris que si la France s'étend, c'est déjà trop étendue, si elle s'étend encore, elle risque de le priver du marché continental, du marché européen, le marché continental européen, et de les désavantager, parce qu'à ce moment-là, évidemment, ils sont revenus, d'ailleurs, les droits de douane avec l'Angleterre. Mais il y a des droits de douane, il y a des barrières douanières, on va dire. Et donc, si les Français en sont maîtres, évidemment, le jeu, on sera évidemment troublé. Et ça, ils ne l'accepteront pas, ils n'acceptent pas. Napoléon quitte donc Boulogne et il abandonne son projet d'envahir l'Angleterre par la mer. Il se dirige au cœur de l'Europe. Alors, il ne sait pas encore que ce sera Austerlitz. Aujourd'hui, c'est la République tchèque. Mais pendant ce temps-là, il se passe des choses au sud de l'Europe, du côté de l'Espagne. Majesté, j'ai des nouvelles. Par un agent secret qui a traversé toute l'Espagne et toute la France sans prendre une heure de repos. L'escadre de l'amiral Villeneuve s'est embossée à Cadix où elle est restée ancrée par peur de Nelson. Qu'est-ce que vous dites, Daru? Ce champ foutre de Villeneuve est à Cadix! Où il va être bloqué, naturellement. Quelle marine! Quel amiral! Ça n'a pas de nom. Misérable! Il sacrifierait tout pourvu qu'il sauve sa peau! Oui, pas content, hein. C'est le film Austerlitz d'Abel Gance en 1960, Pierre Branda. Oui, que se passe-t-il au sud de l'Europe à ce moment-là? Parce qu'on avait quand même une belle marine. Ah oui, oui, une marine en plus appuyée par la marine espagnole, c'est une marine franco-espagnole, puisque les Espagnols sont alors nos alliés. Cette marine doit, eh bien, si je puis dire, détourner l'attention de la flotte de Nelson, pour que, qui est le principal adversaire sur les mers, pour que, eh bien, pouvoir passer à travers sur la Manche, hein, et pouvoir envahir l'Angleterre. Sauf que voilà, la flotte franco-espagnole est coincée à Cadix, et ce sera ensuite la défaite de Trafalgar, car Nelson applique à nouveau sa stratégie maritime, qui consiste à attaquer une ligne de vaisseaux, à deux contre un, et donc par ses manœuvres, il arrive à nouveau à couler une grande partie de la flotte de l'amiral Villeneuve et de la flotte espagnole, ce qui réduit à néant nos ambitions maritimes, il faut bien le dire, puisque c'est quand même la flotte principale, et tous ces vaisseaux ont été construits sous l'ancien régime. Nous n'avons pas assez à ce moment-là de production navale suffisante pour reconstituer une flotte rapidement. Ça prend du temps à l'époque, parce que c'est toujours le cas. Mais le Trafalgar, c'est effectivement la fin des ambitions maritimes de Napoléon, même si par la suite il essaiera de reconstituer une flotte, mais ce coup-là est un coup fatal qui lui est porté. Le 21 octobre 1805, la France n'a plus de flotte, en tout cas n'a plus de flotte aussi considérable qu'elle l'avait auparavant. Sylvia Marzagali, ça change absolument tout. Vous êtes professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université Côte d'Azur. Vous avez écrit « Les boulevards de la fraude »,« Le négoce maritime » et « Le blocus continental » 1806-1813. Bah oui, ça change la donne, Trafalgar, complètement. Ça change la donne, et c'est d'autant plus que non seulement ça prend du temps de reconstituer une flotte, mais il faut l'accès aux matières premières, du bois, du fer, de la chanvre, et qui sont essentiellement des productions qui viennent de la Baltique. Et donc, l'accès à ces ressources est très compliqué, parce que les Anglais peuvent contrôler désormais le passage par les détroits du Sund et l'accès à la Baltique. Et du coup, ça change la donne, en ce sens qu'effectivement, il ne reste que, j'oserais dire, la guerre économique, qui vise effectivement à attaquer les intérêts économiques britanniques et par là provoquer, c'est l'espoir de Napoléon, hein, ça ne se réalise pas, provoquer une crise du crédit, rappelé tout à l'heure par Pierre Branda. Les crédits britanniques servent bien évidemment à subventionner les alliés, donc les différentes coalitions anti-françaises, mais ça sert évidemment à soutenir l'économie britannique, et donc l'idée, c'est de provoquer suffisamment de difficultés en Angleterre pour que les élites britanniques se orientent vers une politique de paix. Et donc, effectivement, Trafalgar, c'est un moment clé. Maintenant, après Trafalgar, il y a évidemment des victoires sur le continent. Et donc, en clair, Napoléon maîtrise les continents. Il arrive à écraser les pays qui s'élèvent contre lui les uns après les autres, mais il ne maîtrise plus la mer. Alors que la Grande-Bretagne a désormais l'accès aux marchés mondiaux. Et du coup, l'enjeu est effectivement l'ouverture ou la fermeture du continent européen à l'économie anglaise, aux produits anglais et aux denrées commercialisées par les Britanniques. Dans cette histoire-là, Pierre Branda, on peut rappeler l'intérêt que porte Napoléon à l'économie, parce que nous l'imaginons en chef de guerre, bien sûr, en grand administrateur aussi, le code civil, etc., etc., mais il n'y a pas que ça, il y a l'intérêt pour l'économie. Oui, l'intérêt pour l'économie qu'il comprend assez rapidement, puisque quand il arrive au pouvoir, son ministre des Finances, Gaudin, lui fait savoir qu'il n'y a plus que 160 000 francs en caisse, de quoi tenir une après-midi en réalité, alors qu'il a une guerre à continuer avec les Autrichiens, un pays à redresser, et donc il va falloir prendre des mesures urgentes pour remédier à la situation. Alors, il mettra en place notamment notre administration fiscale moderne, puisque les impôts heureux français à l'époque, ils n'avaient pas payé d'impôts depuis 5 ans. Il s'en plaignait pas d'ailleurs, enfin il s'en plaignait un petit peu parce que quand même le pays était en désordre bien entendu, sans priver largement d'administration. Ensuite, ce sera la réforme du franc germinal, d'une monnaie qu'il veut solide, la création de la Banque de France, parce qu'il faut justement, on y revient, un instrument de crédit pour que l'économie puisse respirer. Le problème à l'époque, c'était que le taux du crédit était beaucoup trop important. D'ailleurs, même l'État français empruntait au taux record de 4% par mois. C'est-à-dire nous étions à 50%, alors pour le faire baisser à 4% par an, ce qui est déjà un taux appréciable, eh bien la Banque de France sera créée, réunira plusieurs banques. Parce qu'en face, effectivement, l'Angleterre dispose, elle, d'une banque d'Angleterre, créée depuis 1688, puissante. Et surtout, il s'est passé un événement économique majeur, qu'à l'époque, les contemporains n'ont pas, ont remarqué, mais n'ont pas, évidemment, connu les effets par la suite, c'est que la livre sterling a, en quelque sorte, abandonné les talents or, puisque, sous la menace d'une invasion française déjà, mais cette fois-ci en Irlande, il y a une panique à Londres, et Pitt, le Premier ministre, décide de suspendre la convertibilité de la livre, c'est-à-dire que à l'époque, quand vous possédiez un billet de banque, ben vous pouviez le faire changer par de l'or dans une banque. Là, il suspend cette possibilité. Généralement, quand on faisait ça, eh bien, la monnaie papier, la livre papier, aurait dû s'écrouler, ce qui fait que l'économie aurait évidemment souffert. Or, pour la première fois, une des premières fois dans l'histoire mondiale, eh bien, cette monnaie papier tient. Elle se dévalue un petit peu, mais elle tient. Ce qui veut dire que, eh bien, on peut imprimer du papier, en quelque sorte, et commencer ce système, qui est notre système actuel, et qui fut le système actuel de financement des guerres mondiales, notamment la deuxième, c'est-à-dire l'État britannique émet de l'emprunt. Lequel emprunt est acheté par la Banque Centrale. Donc, évidemment, ça vous donne une surface financière jamais atteinte, puisque vous n'avez plus besoin de collecter de l'or et de l'argent, bon, même si, là, je simplifie, il y a eu quand même quelques soucis, mais vous n'avez plus besoin de cela, ce qui fait qu'on a pu calculer que l'Angleterre, à ce moment-là, empruntera 4 à 5 fois tout l'or existant sur la planète. Cet effet de levier-là, sans cet incident, si je puis dire, parce que c'est finalement un accident de l'histoire, elle n'aurait pas pu avoir la surface financière qu'elle a eue. En tout cas, à partir de la bataille de Trafalgar, la défaite française en 1805, Napoléon ne dispose plus de marine et une autre guerre doit avoir lieu, ou en tout cas cette même guerre mais sous une autre forme, parce que sans bateau, c'est dur de contrôler les mers. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Oh, bladi au blada. Oh, well. La petite bille. Michel, ma belle. La route qui nous mène loin du monde et des problèmes. Il faut un an à Napoléon pour mettre en place le blocus continental. Sylvia Marzegali, donc là, on l'a entendu, hein, c'est fini au Mont-Bateau. Un an, faut attendre 1806, le mois de novembre, pour que soit mis en place ce blocus. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le blocus continental, c'est un décret qui est promulgué par Napoléon depuis Berlin. C'est pas anodin. Il vient d'infliger une défaite à la Prusse majeure. Et les décrets se présentent sous la forme d'une riposte à deux ordres en conseil britannique du mois de mai qui a institué un blocus des côtes du continent entre, grosso modo, Hambourg et Brest. Donc, les Britanniques déclaraient toute cette portion de la côte de la mer du Nord en état de blocus et se réservaient donc les droits de capturer tout bateau qui se dirigerait ou qui proviendrait de ces régions. Donc, le prétexte du blocus continental, c'est une riposte à cette extension inouïe du droit du blocus maritime. Jusqu'à là, les droits internationaux prévoyaient un blocus soit des arsenaux à des fins militaires et d'ailleurs déclaré qu'un blocus devait être effectif, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une marine ennemie donc, pour le faire respecter. Donc, les décrets de Berlin du 21 novembre se présentent comme une riposte. En réalité, vous avez raison de le souligner, c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi. Napoléon, juste avant de les proclamer, vient de faire occuper militairement les ports de Lübeck, de Hambourg et de Brême, c'est-à-dire les trois ports par lesquels le commerce britannique se déversait sur le continent européen. Et donc, effectivement, à partir de tout ce qu'on a posé tout à l'heure, c'est un décret qui prend acte de la maîtrise navale et commerciale sur mer maritime de la Grande-Bretagne et qui envisage donc d'étendre à l'ensemble du continent les prohibitions en vigueur déjà en France contre à la fois les produits issus de l'industrie britannique, donc là il y a un dispositif effectivement protectionniste industriel, mais aussi il y a une dimension commerciale très forte, l'interdiction faite de introduire en Europe tout produit qui est transité par des négociants britanniques. Donc, c'est vu comme un dispositif de ce type, de fermeture en fait du continent. Et ce qui est significatif est qu'une fois promulgué le décret de Berlin, Napoléon écrit à son ministre des Affaires étrangères pour lui dire de l'envoyer en fait à toutes les cours d'Europe en insistant pour son application. Donc, c'est vraiment la volonté de fermer les continents au commerce et aux produits britanniques. Pierre Berinda, c'est extrêmement clair. En fait, c'est Napoléon veut fermer tous les ports pour empêcher le commerce britannique, asphyxier en fait la Grande-Bretagne. Oui, exactement, c'est cela. Là, on change d'échelle dans la guerre économique, puisque est étendu à tout le continent. Il pense fermer ainsi le continent européen aux marchandises britanniques et permettre à son économie d'en profiter. C'est ce qu'on appellera l'expansion d'eau à la mer, puisque effectivement, comme l'a rappelé Sylvia Marzagali, l'expansion maritime, terminé pour le moment. Donc, une expansion vers l'Est est peut-être possible, d'autant qu'on a la même mise sur beaucoup de pays, hein, ce qu'on a annexé, mais bon, l'Allemagne est quand même sous notre boisseau, on va dire. Il y a eu la Petite-Cite et donc, juste après le blocus en 1807, donc l'alliance avec la Russie, là encore on progresse jusqu'à la Pologne, l'Italie est à nous, sauf à l'exception de la Sicile, l'Espagne est une alliée économique, on ne l'a pas encore envahie, mais là encore on peut s'autoriser les plus grands espoirs, donc là c'est une porte ouverte magnifique au commerce français qui s'ouvre, plusieurs même, et dans un premier mouvement, l'industrie et que le commerce français va en profiter en réalité de cette expansion, puisque pendant un moment les marchandises britanniques semblent en être exclues, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça en fait à les exclure. Faut pas qu'il y ait de fuite en fait dans ce système-là, parce que j'imagine bien l'idée napoléonienne de bloquer tous les ports d'Europe, les Britanniques ne peuvent plus faire de commerce, ils vont s'effondrer, mais enfin bon, c'est vite arrivé qu'un port laisse passer quelques marchandises. Oui, il y a deux problèmes. Le premier, c'est la contrebande, effectivement, parce que la contrebande est possible, elle est rendue possible parce que l'Angleterre possède deux avantages. Elle possède les produits coloniaux, alors café, sucre, tabac, indigo par exemple, qu'on ne trouve pas ailleurs qu'à l'extérieur de l'Europe. Donc, si on en veut, eh bien, il faut quasiment passer par une mainmise britannique. Et premier problème, si un navire américain amène du coton, cette matière première, comment savez-vous qu'il vient d'une colonie britannique ou du commerce britannique? C'est impossible à vérifier. Donc, il va falloir aussi, il y a plusieurs épisodes, interdire le commerce des neutres, puisque comment faire eh bien finalement vous êtes obligé de fermer non seulement aux marchandises britanniques, mais aux marchandises venues des mers, presque, pour cela. Et autre problème aussi, c'est que, eh bien, j'ai dit tout à l'heure, l'Angleterre commence sa révolution industrielle, elle a une supériorité dans les prix, notamment de filets de coton, puisqu'elle est capable de sortir, par exemple, un prix de filet de coton à 10 francs, alors que l'artisanat français, l'industrie française balbutiante, elle affiche un prix 10 fois supérieur, par exemple. Donc, ça permet à la contrebande, parce que la contrebande coûte cher, il faut l'assurer, il y a une prime, il y a des risques, et donc, il faut qu'elle soit, quand le produit est comparable, que c'est le même, eh bien, qu'elle soit moins chère, qu'elle reste moins chère. Et donc, ça, c'est possible aussi pour plusieurs parties plusieurs produits économiques. Donc, il y a tous ces soucis. Puis là, la contrebande se met à enfler, on va dire, et imaginative. Je donnerai simplement une anecdote. Lorsqu'un corps de maréchal était rapatrié en France, le convoi funéraire s'est présenté au pont de Kehl à Strasbourg. Bon, la douane a rendu les honneurs, a laissé passer, mais quelle n'a pas été la surprise des douaniers quand ils ont vu arriver un second convoi funéraire qui était le bon. Le premier, c'était un convoi rempli de sucre. Donc la contrebande est capable de tout, et d'autant qu'elle bénéficie de larges moyens grâce à la supériorité économique britannique. Ils sont malins, ces contrebandiers. Dites-moi, monsieur Elso, il y a combien de types de contrebandiers ? Je vous demande ça parce que on s'imagine toujours le contrebandier comme un garçon avec un sac au dos sur les chemins la nuit dans la montagne. Est-ce que il n'y a que ce type-là de contrebandier, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, généralement on se figure qu'il n'existe que ce type-là, oui. Que le contrebandier est un homme qui a toujours une marchandise qu'il a trouvée comme par enchantement, qui prend sur le dos, qui passe la nuit et qui remet à pays étranger et qui gagne beaucoup d'argent à faire ce métier. Mais en réalité, il y a plusieurs types de contrebandiers. Il y a l'entrepreneur et il y a le transporteur. Il y a même un petit auxiliaire qui n'est ni transporteur ni entrepreneur, mais qui est indicateur. Les contrebandiers évoqués sur l'ORTF en 1959. En l'occurrence, là, il est basque. Sylvia Marzagali, je le disais, hein, vous avez écrit Les boulevards de la fraude, le négoce maritime et le blocus continental. Cette fraude prend toutes les formes possibles. Dans votre travail d'historienne, on imagine bien que pour les sources, elles doivent être énormément policières. Est-ce que il est facile d'étudier la contrebande par les contrebandiers? C'est un métier où tout doit être dans le silence et dans le secret. Alors, beaucoup, effectivement, est dans les silences. Après, il y a évidemment des procès contre les contrebandiers. Donc, c'est des sources judiciaires, c'est des sources policières, c'est des témoignages d'époque. Donc, des sources, surtout sur cette période-là, il y en a beaucoup. J'aimerais peut-être récontextualiser un peu les natures des contrebandes, parce que l'extrait que vous avez présenté s'y prêtait. Donc, il y a une contrebande qui s'est fait les longues frontières. Notamment les Pyrénées, mais pas que, la frontière avec la Belgique, et après, au fur et à mesure que l'Empire s'étend avec les frontières de l'Empire est importante. Il y a une contrebande maritime, c'est pas que les ports. Les ports, en fait, sont plutôt bien contrôlés, c'est plutôt les longs des côtes, par des débarquements clandestins, programmés à l'avance, et où il est très difficile que les douaniers qui patrouillent les côtes, enfin, il y a la douane, il y a la gendarmerie, il y a l'armée par moment, puissent être au bon moment, au bon endroit. Donc, c'est une porosité globale. Ça se passe aussi dans les villes. Alors, c'est souvent des villes de frontières, comme Hambourg, comme Livourne, où la frontière est très proche, la frontière douanière et politique. Et là, c'est une filtration massive. On appelle filtration les passages quotidiens par des milliers de personnes qui, donc, sont incontrôlables par un poste de douane. Donc la contrebande prend de multiples formes. Elle est énormément facilitée par la corruption. Les douaniers, les gendarmes ont des salaires relativement modestes et les sommes en jeu de la contrebande sont infiniment plus intéressantes. Et donc la corruption joue à tous les niveaux, du simple douanier en poste auquel on offre une somme importante qui est 3 ou 4 fois supérieure au salaire mensuel pour fermer les yeux pendant une heure, mais aussi aux plus hautes cadre de l'administration napoléonienne. Je prenais pour exemple Bourrienne, ministre plénipotentiaire à Hambourg, ex-compagnon de Brienne de Napoléon, qui est en poste donc entre 1806 et 1810, donc au lendemain de la proclamation du blocus continental à Hambourg, qui est le principal port en Europe du Nord, et qui contresigne en fait des certificats d'origine, parce que tout à l'heure Pierre Brandard appelait justement la multitude de systèmes de contrôle pour essayer de comprendre d'où proviennent une cargaison de sucre ou des cafés ou d'indigo ou des cotons. Et donc, il y a tout un système de certificats d'origine qui peut A, être faussé, enfin faux, et B, être produit par des autorités qui ne sont pas insensibles à ce qu'on appelle des douceurs à l'époque. Et par exemple, sur Bourrienne, j'ai retrouvé, alors Bourrienne, sous la Restauration, a eu un poste de préfet de police à Paris, donc il a fait disparaître tout son dossier d'enquête pour corruption. Talleyrand l'a aidé à faire disparaître les traces qui restaient au ministère des Affaires étrangères. Et j'ai retrouvé un dossier qui n'avait pas été supprimé, dans lequel on soupçonne Bourrienne d'avoir encaissé 1 million de francs. Et donc, comme il y avait un quota, en fait, on arrive à reconstituer à peu près des flux, hein, c'est un peu à la louche. Mais on s'est rendu compte que les quantités de denrées coloniales qui ont transité par Hambourg entre 1806 et 1810 sont assez comparables à celles qui circulaient avant la Révolution. Donc, on a des sources multiples. Et c'est plutôt l'agrégation c'est comme des morceaux d'un puzzle. Le puzzle est incomplet, il restera toujours incomplet, parce qu'effectivement, les intéressés n'ont pas beaucoup intérêt à laisser des traces évidentes. Mais y a des domaines dans lesquels on trouve des traces dans des papiers privés. Par exemple, tout à l'heure, Pierre Brandat évoquait les rôles des neutres. Et justement, à partir de 1806, les possibilités pour les navires et les marchands neutres de faire du commerce c'est rétrécissent au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'ils font du commerce aussi pour les comptes qui peut favoriser les ennemis. Il y a énormément de traces chez les notaires en France, des transactions qui ne sont pas tout à fait très, très légales, mais où les négociants français s'assurent par un acte écrit que les négociants neutres qui fait figurer sous son nom des marchandises qui doivent circuler d'une manière illégale, bien, ils s'assurent qu'il y a une protection, enfin au moins une signature qui reconnaît la vraie propriété des navires, des marchandises, etc. Donc on a une foule de témoignages que je dirais font un effet un peu impressionniste, pointilliste parfois, mais qui laissent bien voir ce qui se passe. Et grâce à l'historienne, ça devient plus clair. Mais je vous écoute, Sylvia Marzaghelli, je me dis on peut faire confiance à personne. Bourrienne, le camarade d'enfance, eh bien, il fraude. Mais Pierre Brandat, on peut dire la même chose du frère de Napoléon, Louis, qui a été placé roi de Hollande, qui ne joue pas vraiment le jeu, lui non plus. Alors Louis, effectivement, le frère de Napoléon, placé roi de Hollande, lui confronté à la pression des milieux économiques hollandais, la Hollande étant le bon exemple d'un pays européen qui assoit son activité économique sur les échanges avec le reste du monde, eh bien, en être privé, c'est compromettre sa situation économique. Et devant ses plaintes, Louis, eh bien, effectivement, moins rigoriste que son frère, même s'il prend des mesures, qu'il essaye de lutter, eh bien, on va dire qu'il ne répond pas exactement aux injonctions de son frère, lequel va même le menacer d'entrer en guerre contre lui, ce qui est quand même assez piquant. Et suite à cela, eh bien, Louis abdiquera et Napoléon annexera la Hollande. Donc, vous voyez, il dans ce processus aussi, Napoléon est conduit comme évidemment ses alliés ou même les pays neutres ne peuvent pas en réalité respecter ce décret, le blocus continental, ils sentent leur faiblesse et donc ça le pousse aussi à annexer toujours plus et à étendre son empire parce que là il est certain que... pas certain puisqu'il y a la contrebande, mais enfin il pense mieux maîtriser les choses, d'autant que on parlait de la douane, mais c'est à lui qu'on doit la militarisation de la douane, parce que c'est à ce moment-là qu'il la rend militaire, et quand même qu'il recrute 35 000 douaniers, son armée de douaniers, mais qui ne suffira pas évidemment à contenir le flot de marchandises venu des mers. Et oui, et par toutes les côtes, la Bretagne, toutes les côtes en fait, parce que tout est poreux, Sylvia Marzaghelli. Oui, tout est poreux. Je voudrais rebondir sur ce point-là qui est extrêmement important, qui est celui de la relation entre la France impériale et le reste de l'Europe. En fait, la possibilité, il y a une fenêtre en fait au moment de la proclamation du blocus continental qui serait celle d'une adhésion des différents États européens à ces projets de se protéger contre la supériorité économique britannique, donc une sorte de pas des marchés communs, c'est pas du tout ça, mais de barrières protectionnistes vis-à-vis de l'industrie du commerce britannique. Et c'est quelque chose qui aurait pu importer une certaine adhésion parmi les autres pays européens, si ce n'est que, in fine, il y a là une vraie stratégie impériale de la part de Napoléon qui, finalement, donne une priorité systématique aux intérêts de l'économie française. Je prends par exemple la relation avec les royaumes d'Italie, avec des droits des douanes qui favorisent énormément l'importation en France de matières premières et qui imposent des droits préférentiels aux produits industriels français exportés vers les royaumes d'Italie. Finalement, il y a une suggestion économique de l'ensemble des autres pays européens aux intérêts de l'Empire. Et c'est là que ça se fracture. J'ai rebondissé là-dessus par rapport à la Hollande, parce qu'effectivement, la prise en compte des intérêts des différents alliés, elle est de plus en plus faible, d'où cette fuite en avant qui consiste effectivement à annexer de plus en plus des portions d'Europe. Et quand on regarde la carte de l'Empire en 1812, ce qui est frappant, c'est l'extension côtière. Dans la mer du Nord, ça touche toute la mer du Nord, ça va jusqu'à Lübeck, qui est en Baltique, vers l'Italie, ben, ça englobe jusqu'aux anciens États pontificaux. Donc il y a vraiment une extension littorale et une fuite en avant, en quelque sorte, d'annexer de plus en plus pour essayer de mettre sous les contrôles de l'administration napoléonienne. Effectivement, les nombres des douaniers, ça a été rappelé, ça passe de 20 000 à 35 000, mais on estime que le nombre de contrebandiers est 5 à 6 fois, et ce sont les estimations du directeur des douanes de l'époque, 5 à 6 fois supérieures, donc c'est très compliqué. Sur cela, un point qu'on n'a pas encore dit et qui est important, c'est la fermeture imaginée de l'Europe visant à asphyxier l'Angleterre. La question est-ce que ça aurait pu marcher, étant donné que la Grande-Bretagne est désormais projetée sur l'ensemble du monde du point de vue économique. Et en fait, les marchés européens pour la Grande-Bretagne comptent à peu près pour 40%. Du coup, il y a certains secteurs qui sont fragiles et donc effectivement où les blocus auraient pu marcher, mais in fine, la Grande-Bretagne ne dépend pas que de l'Europe. Donc il y a vraiment ces gros enjeux en arrière-plan qui me semblait important de rappeler. Et vous avez raison de les rappeler, parce que les conséquences du blocus, nous les imaginons du côté de la Grande-Bretagne, mais bien sûr, le blocus a des effets en France. Pierre Branda, pour la France, c'est un chamboulement complet, mais ne serait-ce que par les usages commerciaux, je pense aux grands ports de l'Atlantique qui n'ont plus d'utilité là. Non, effectivement, le commerce maritime s'éteint. D'ailleurs, ça privera Napoléon d'une première ressource, c'est qu'il perd en droits de douane. Il sera obligé d'ailleurs de lever d'autres impôts à cause de cela, donc les droits de douane s'écroulent. Effectivement, les ports maritimes français souffrent, la façade atlantique, mais aussi Marseille, qui souffre. C'est pas un hasard si Bordeaux également, c'est pas un hasard si ensuite ils seront plus royalistes que d'autres parties du territoire. Donc il y a cette ce désert économique qui s'installe, et puis surtout l'Europe ne peut plus, et la France qui en occupe la moitié, ne peut plus se passer du café, du sucre, du tabac. Donc pour le sucre, alors on met en place Napoléon, enfin c'est Delessert qui trouve la betterave à sucre, comme on l'a appelé, hein, mais bon, avant de passer beaucoup de champs, enfin, de les transformer en champs de betteraves, ça prend du temps là aussi. Alors à la place du tabac, il y a bien la chicorée, mais c'est pas le même goût, et donc on fait un petit peu grise mine quand on la boit. Alors plus piquant encore, l'indigo, par exemple, qui sert à faire le bleu des uniformes. Or l'armée française, sa couleur, c'est le bleu. Et donc en fait, on n'a plus assez de bleu, et donc elle part en campagne en blanc, comme avant, si je puis dire, lorsqu'elle avait le blanc royaliste. Donc il y a une sorte de multiplicité d'effets. Alors certains je l'ai rappelé anecdotique un petit peu, mais surtout sous succès des crises, puisque on a, suite à cette expansion d'eau à la mer, ça a créé une sorte de bulle financière qui s'est écroulée suite aux divers problèmes économiques causés par le blocus, laquelle a entraîné une crise industrielle, puis s'est rajoutée, alors là c'est pas lié au blocus, mais une crise frumentaire, puisque l'été 1811 a été caniculaire, hein, et donc les récoltes ont été très mauvaises, ce qui fait qu'un ensemble de crises se succède en même temps que le délitement, on va dire, du blocus par rapport aux autres pays, par rapport à la contrebande qui monte en puissance. Donc bref, on est entré dans une espèce de cercle infernal qui fait que, eh bien, au lieu de s'enrichir, on est en train d'avoir une croissance économique en berne et même une certaine récession. Hein. Et puis Sylvia Marzagali, vous l'avez rappelé, c'est pas la même chose. Hein. Si on est français, commerçant français pendant le blocus ou commerçant d'un autre pays, n'importe où, il n'est pas hyper honnête non plus ce blocus continental. Oh, je ne sais pas si le terme honnête, c'est le meilleur, mais c'est sûr qu'il y a une différence. Il y a une, disons que très clairement, Napoléon favorise ce qu'à l'époque on appelle l'ancienne France, qui sont les frontières d'avant la Révolution, même par rapport à des ports annexés. C'est-à-dire que bon, les deux ports que j'avais étudiés les plus, Hambourg et Livourne, sont annexés tardivement, ils ne sont pas traités à la même enseigne. Mais non, la crise pour les ports a commencé dès 93, hein, dès les débuts de la guerre maritime, mais effectivement, jusqu'au blocus, je dirais même jusqu'au décret des Milan, qui sont de la fin 1807 et qui rend beaucoup plus grave les dispositions de 1806. Les ports français s'en sortaient difficilement, mais quand même grâce à la présence neutre. C'est-à-dire que les navires des neutres circulaient librement, il y a une sorte de perte de traçabilité, on dirait aujourd'hui, d'où viennent les marchandises, et ça marche bien jusqu'à la fin 1807. Et c'est à partir de la fin 1807 qu'il y a un moment extrêmement compliqué, parce que d'un côté, la Grande-Bretagne a durci ses dispositions vis-à-vis des neutres, la France a fait des mêmes, et les États-Unis, qui sont la grande puissance montante en termes de marine marchande, mais les États-Unis, Jefferson, alors président, proclame un embargo face aux tracasseries que les deux belligérants lui posent au navire américain. Ce qui fait que 1808, c'est une année terrible. Tous les témoignages vont dans les mêmes sens. Pour l'ensemble des ports du continent, 1808 est difficile. Et c'est à partir de là qu'effectivement, Napoléon commence à ouvrir des brèches parce qu'il se rend compte que les régimes s'appuient quand même sur deux éléments. D'une part, des conquêtes militaires qui externalisent les coûts de la guerre. Tout à l'heure, Pierre Brandard rappelait la force de l'économie britannique et de son système de crédit qui résiste à la suspension de la convertibilité de la sterling en 1997, alors que le financement des guerres napoléoniennes repose essentiellement sur l'externalisation des coûts sur les pays conquis et alliés. Et du coup, pour ce qui est de l'Empire, se pose la question de l'adhésion au régime des notables. Les régimes napoléoniens qui a aboli tout système représentatif digne de ses noms reposent quand même sur un consensus des élites récomposées. Et dans les ports, ces élites, ce sont les négociants. Et du coup, ça commence à partir des 1808 et ça devient massif en 1810, d'ouverture des brèches, c'est-à-dire de facultés légales de navigation qui sont octroyées via un système des licences, donc des permissions d'expédier un navire, qui sont octroyées beaucoup plus aux ports de l'ancienne France par rapport aux ports récemment annexés et qui ne sont pas du tout permises aux alliés. Et du coup, là, effectivement, c'est créé une fracture à l'intérieur du système continental où les alliés commencent à se dire que finalement, tous les systèmes n'est fait que favoriser l'économie de l'Empire français. Et pas, ce n'est pas une lutte commune contre un ennemi commun. Ce blocus continental, c'est évidemment une histoire militaire, politique, on l'entend bien, économique, c'est une évidence, sociale, on le voit avec la place des négociants. Pierre Brandard, vous êtes directeur scientifique de la Fondation Napoléon, le prix de la gloire, Napoléon et l'argent, entre autres, hein, parce que vous allez jusqu'à Napoléon à Sainte-Hélène, vous l'enterrez là-bas. Dans ce que j'entends, de ce que vous avez expliqué, de ce que nous a dit Sylvia Marzagali, on a avec le blocus continental la possibilité d'une compréhension de l'épisode napoléonien. Avec toujours cette question, pourquoi ces conquêtes? Il aimait la guerre, souvent ce qui a été dit. Ben non, en fait, c'est cette idée de blocus. En fait, il fallait assurer le blocus, fermer tous les ports pour vaincre la Grande-Bretagne. Oui, il y a cette dimension-là qui finalement, de laquelle il ne se sortira pas. Il est finalement un petit peu otage de tout cela. Il y a évidemment d'autres événements qui se mêlent, et cette expansion française d'eau à la mer pose un problème, c'est que plus on avance, plus on contrarie de pays, forcément, puisque j'ai dit tout à l'heure, la mainmise sur l'Italie contrarie l'Autriche, ensuite notre avancée vers la Pologne contrarie la Russie. Nous contrarions aussi la Prusse et ses intérêts en Allemagne, puisque nous sommes à ce moment-là les maîtres de l'Allemagne, pour simplifier. Donc nous entrons, si vous voulez, Napoléon est entré dans un moment où il a fini par contrarier tous les pays, leurs intérêts majeurs, à la fois économiques, géostratégiques, politiques, et donc il n'y a plus, si je puis dire, de moyens de s'en sortir, si ce n'est que ces pays finissent, et ce qui va bien se produire, hein, à partir de 1813, se liguer, se coaliser tous entre eux pour la première fois, puisqu'il y a eu des coalitions, mais ils n'étaient pas tous, si je puis dire, ensemble au même moment. Or, là, en 1813, alors, il y a l'écroulement après la campagne de Russie, mais ils vont tous se liguer contre Napoléon, et là, la partie sera en quelque sorte perdue d'avance. Mais cette fuite en avant, oui, est aussi économique. Hein. Nous savons que le blocus continental n'a pas fonctionné, parce qu'on n'a qu'à regarder par le passé, et Napoléon est vaincu et la Grande-Bretagne n'est pas ruinée. Mais se placer du temps de Napoléon, on pouvait espérer que, du point de vue des intérêts de l'Empire, eh bien, ça puisse marcher. Merci vivement à tous les deux, Pierre Brandard. Et je rappelle, hein, Le prix de la gloire, Napoléon et l'argent, et surtout toute votre bibliographie, notamment Napoléon à Sainte-Hélène. Et merci vivement à vous également, Sylvia Marzagali, avec cette histoire de France, hein, Révolution, Consulat et Empire, que vous avez co-dirigé chez Belin. Et puis, les boulevards de la fraude. Mais pour le moment, le boulevard nous conduit jusqu'à Gérard Noiriel. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi l'histoire de Crésus nous apprend que l'argent ne fait pas le bonheur? L'expression « riche comme Crésus » et le mot « pactole » sont des vestiges de la mythologie grecque qui ont survécu jusqu'aujourd'hui dans notre langage. Dionysos exauça le vœu du roi Midas, désireux de voir converti en or tout ce qu'il touchait, mais il se rendit rapidement compte que son existence était devenue invivable, car ce qu'il mangeait ou ce qu'il buvait était également transformé en or. Dionysos accepta d'annuler le vœu, mais Midas dut se laver dans un ruisseau, le Pactole, qui se trouvait dans le royaume de Lydie, région occidentale de l'Asie mineure. L'eau de cette source, chargée désormais d'une multitude de paillettes d'or, alimenta la légendaire richesse de Crésus, le roi de Lydie. Hérodote, qui est souvent présenté comme le père de l'histoire, même si ce type d'histoire n'avait pas grand-chose de commun avec celle que nous faisons aujourd'hui, car il avait un goût prononcé pour les faits légendaires, a raconté l'histoire de Crésus. Dans un passage de son récit, il écrit que Crésus voulut prouver à Solon, le législateur athénien souvent considéré comme le fondateur de la démocratie, qu'il était le plus heureux des hommes en exhibant ses trésors. Mais Solon réfuta cette prétention en disant « Avant qu'il soit mort, attendons, ne disons pas encore d'un homme qu'il est heureux. Disons que la fortune lui sourit. » Quelques jours plus tard, Crésus apprit la mort de son fils Ardys lors d'un accident de chasse. Pour expliquer qu'en 546 avant Jésus-Christ, les Grecs déclarèrent la guerre aux Perses, l'autre grand peuple qui dominait l'Asie mineure, Hérodote affirme que Crésus prit cette décision pour essayer d'oublier le malheur qui l'avait frappé. Il tenta de nouer des alliances avec Sparte, Babylone et l'Égypte, mais ses alliés lui firent faux bond au dernier moment. Cyrus le Grand, le roi des Perses, s'empara de Sardes, la capitale lydienne, et après avoir emprisonné Crésus, il décida de le brûler. Pieds et mains liés sur le bûcher, celui-ci se remémora alors son dialogue avec Solon. Puis il implora Apollon de bien vouloir lui laisser la vie sauve en s'excusant de son penchant orgueilleux. À ce moment précis, un nuage recouvrit le ciel et il se mit à pleuvoir suffisamment fort pour éteindre le bûcher.